Aujourd'hui, le lundi 18 décembre 2023, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mes amis sécaréliens et sécaréliennes. Oui, toute la vie, merci. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Attention, attention, j'suis comme un animal, plus capable de définir ni le bien ni le mal. J'suis fini, je le sais trop, la ville est trop immense et ma tête est trop sale. J'arrive devant le docteur et dis comment ça va la vie. J'ai plus envie de vivre, c'est ça que je lui ai dit. Y'a plus rien qui me fait rire si tu veux mon avis. Y'a sûrement quelque chose qui est pas normal. Y'a du monde qui s'ennuie devant la télévision en regardant les autres en train de crever de faim. Ailleurs c'est pire, ailleurs c'est la guerre. Je partage mon angoisse, ma douleur, ma folie avec la planète Terre ou avec encore mieux je l'espère avec tous les humains. La tête entre les deux mains. Pas des hypocrites, c'est vrai quand ils parlent, c'est là que je me sens bien. Le vent souffle dans mes cheveux, de la musique de tempête. Mes deux yeux grands ouverts, le sommeil est pas là. 50 millions d'idées qui se bousculent dans ma tête. Montréal, c'est ta faute, j't'aime trop, c'est pour ça. J'suis fini, je le sais trop. La ville est trop immense et ma tête est trop sale. J'arrive devant le docteur et me dit comment ça va la vie. J'ai plus envie de vivre, c'est ça que je lui ai dit. Y'a plus rien qui me fait rien si tu veux m'en laver. Y'a sûrement quelque chose qui est pas normal là. Le studio est à la maison. Alors, comme Léo Ferré faisait ses chansons à travers son univers du quotidien, il y avait Pépé. J'en parle souvent de Pépé, hein? Je sais pas pourquoi. Peut-être que je le suis de moins en moins, Pépé. Tu me blague. Le singe à Léo, pas Renal ni Serge Gainsbourg, c'est, c'est Pépé, c'est son singe. Puis même dans une chanson, je radote. On disait que il disait Ferré que qu'il avait les Serge de Gainsbourg, mais lui ça prenait pas de la picole pour lui faire décoller. En tout cas, ça ressemble un peu à ça. Puis les Serge c'est les oreilles, bien sûr, hein? bien sûr. Oui, René Claude au début du mur du son, montage par Rénal Gagné, enchaîné avec Robert Charlebois le mur du son, la fin n'est pas la fin originale. C'est un montage de votre ami, grand ami, j'espère. Peut-être pas grand, on ne se connaît pas véritablement, sauf quelques-uns. Là. Les deux, trois auditeurs. Bon, hey, attends, bonjour, mon auditeur. Non, mais je les connais, je peux les nommer, moi, les gens qui m'écoutent. Il y en a cinq, mais c'est les cinq meilleurs au monde. Mieux vaut être écouté par ces gens se lasent, qui ne se lassent pas de mes idioties, que devant 3-4 millions d'innocents. Alors, j'ai les 5 meilleurs, et vous faites partie de ces meilleurs-là. Sortir des bordels, décorer bien, d'éventurer pour savourer dans les rues le vrai bordel de la vie. On finit par s'habituer à la normalité, à la répartition de la pénurie chez les cadavres, raisonnable ou non, du principe rendement. La putain n'est pas celle que vous pensez, mercenaire de 9 à 5 pour l'avènement d'un bien-être qui n'est pas le vôtre. Dans une société subtilement hypnotique, 8 heures de travail punché par jour rend comme une guenille qui a juste le temps de sécher avant le prochain usage. Mon temps s'achète à manufacturer des boutons pour tenir les culottes de gens qui n'ont pas le temps. Attendre la fin de semaine, attendre d'être grand, attendre d'être compétent. On passe sa vie à s'évanouir. Un texte de José Yvon. Je suis celui qui meurt toujours entre les bras de ces prostituées qui n'embrassent plus. Denis Vanier. Je me rends compte, mon Gaétan, que depuis que je me suis éloigné, entre guillemets, de mes amis prostituées. J'aime les évoquer à travers des textes. Il y en a tellement de beaux textes, de belles créations underground, c'est-à-dire hors normes, parce que j'ai une copine, je travaille sur un projet de nouvelle à quatre mains. Et vous allez voir, c'est ferme. Vous allez lire, parce qu'il n'y a pas à voir, il y a à lire. C'est bien parce que je dis à voir, je vais vous expliquer. Je travaille avec une jeune fille qui est malentendante. Elle aura des nouveaux appareils auditifs. Puis elle m'a dit, il y a quelques jours, j'ai hâte de... comment qu'elle m'a dit ça, non? Ah oui. Elle dit que la performance est beaucoup mieux depuis un certain modèle. Là. Je connais absolument rien là-dedans. Là. Puis elle a dit, j'ai hâte... Non, pas de voir. Oui, j'ai hâte de voir. Alors, c'est intéressant de se dire, puis Radio-Canada, à un moment donné, avait un slogan qui est « voir pour entendre », un truc comme ça. Mais c'est quand même intéressant, très intéressant. Le cinéma pour les gens, exemple, là, qui sont non-voyants, aveugles, ou qui voit pas grand chose. Exemple, là, peut-être un petit nuage ou un. Moi, c'est un moche-mollo à partir de 3h15. Hey, j'ai un nuage de moche-mollo. Moi, je sais, on m'a dit de dire guimauve. Rénal m'a tapé sur le dos, m'a dit si tu dis guimauve, je vais t'en remettre une, un beau 25$ sonnant. J'ai dit, comment ça peut sonner, 25$? Ben, il dit 25$, 1$. Ah, c'est un vite, ce gars-là. Ah, moi, j'aime ça pour ça, là. Tu sais, il est dans la rapidité absolue, là. La lumière, comparativement à lui, là, il sera avant, lui. Lui, il se répète aussi, lui, là. Il aime bien ça, lui. Le petit son, là, que vous croyez être de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Du remplissage? Non, mais c'est mon plafonnier qui m'envoie du vent. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le bon vent, Le vlogivant, c'est une autre affaire. Le vlogivant est un nouvel assoupisseur. L'assoupisseur est très important pour le linge. Savez-vous pourquoi? À l'époque, là, il n'y a pas si longtemps, là, nos grands-mères lavaient avec du savon à laver. Non, mais il y a plusieurs sortes de savons. Savons-nous les reconnaître, les amis? Bon, voilà. Un petit pardon, c'est pas un problème. Non. Peut-être j'en suis un problème, Madame Thibodeau, mais moi, je ne peux pas évaluer tout ça. Je ne suis pas un évaluateur, je suis un débiteur. Un orateur, quelquefois. Pas souvent, mais un orateur. À cette heure que je suis ici, ben, je vais faire mon émission, puis ça va bien se passer. Puis je suis très heureux de vous rencontrer, mes amis. Comment ça va? Le temps. Charles Aznavour, le monsieur qui récolte ben des bidous sur le pauvre monde, là, il disait le temps et rien d'autre, le temps, l'infini. Non, mais lui, il veut vivre jusqu'à 2000 ans, c'est pour ça qu'il ramasse de l'argent. Il en a-tu besoin de l'argent? Il en parle de l'argent, j'en ai parlé aussi, puis je vais en reparler encore de l'argent. J'ai une innocente, là, qui gagne ben des bidous, puis qui vient me dire: ah, moi, j'ai pas d'argent. Arrête de me parler. Dans ta bouche, là, on dirait qu'il y a des dents qui carient à chaque fois que tu dis le mot argent. Mieux vaut être riche du cœur, riche intellectuellement, qu'être riche monétairement. Puis là, j'ai Suzanne de Leonard Cohen, qui vient de me balancer à l'oreille. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, parce qu'on ne se tutoie pas encore, on se connaît depuis 35 ans, là, mais des versions françaises et anglaises. Là. Suzanne, oui, c'est beau ça. Elle me demande de relire, malheureusement pour vous, sortir des bordels de mon ami José Yvon. José Yvon qui est décédé du sida fin des années 80. Fin 70, début 80. En fait, je ne sais plus vraiment. T'as-tu des références? Ben, des références, oui. Oui, j'ai travaillé à CQRL. J'ai levé et descendu des pitounes, vous savez, devant un grand clavier. Moi, je peux vous dire comment on appelle ça, une régie. Il n'y a pas si longtemps, mon oncle me disait, je m'en vais à la régie des loyers. Régie des loyers, régie des loyers, c'est ça. Ou à la régie des alcools. Régie des loyers, c'était aujourd'hui, je ne sais pas comment on avait aujourd'hui, c'est quoi, c'est pour les appartements. Mais régie des alcools, SEQ, Société des alcools, excuse-moi, la phrase légitimeuse n'est pas à se demander. Si on dit Société des alcools ou régie des alcools ou Association des alcools rassemblés ensemble pour mieux boire en société. Ça, je ne sais pas comment on peut divulguer ça au peuple, mais le peuple n'est pas prêt. En Russie, ils sont déjà préparés, eux. À chaque coin de rue, là, il y a un abreuvoir. C'est pas de l'eau qui sort de là, c'est de la volca. Hey! Il y a du monde là, qui peuvent rester 15 minutes. Puis c'est pas de la volca à 40 degrés, là. C'est de l'alcool à 44 degrés. 44. Puis quand ils vont chez le médecin, là, quand ils passent le stéthoscope, la boule rouge, la mienne est rouge à force de. Parce que moi, à chaque fois qu'ils enlèvent le stéthoscope, je perds un morceau de peau. Fait que c'est de la peau vive, hein? Alors rosée, mais c'est pas rosée. C'est, je vois ça pour un stéthoscope, vous savez ce que c'est, là? C'est avec un bout, puis. Captain Bonhomme part en voyage. Captain Bonhomme vers d'autres rivages. Captain Bonhomme, on va s'en vendre avant que la vie soit belle avec parlante décibels. Comment ça? L'écho était meilleur avant. Avant que je paye mes cotisations. Depuis, j'ai plus de cotisations. Attendez là. Coco. Cotisations. Voyons, monte la lumière, puis baisse le son. Ah, peut-être, il n'est pas à 10. Coco. Cotisation. OK, pas pire. C'est passablement intéressant. Thank you. distributeur de cochonneries et de bonheur préfabriqué. Allez-vous-en au paradis, bande de têtes pilons. Chez moi, je t'en ai d'entendre vos conneries, vos salopes privées, vos mentries, vite voir vos yeux ambitionneux crier au pire, j'ai réussi. Hostile, ici au moins, y'en avait moins. Y'en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalichnikov et compagnie pour faire rouler l'économie. Puis si au moins, y'en avait moins. Y'en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalichnikov et compagnie pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie. Bonjour, c'est moi le caméraman. Êtes-vous victime de quelque chose? Ta gueule! Oui, oui, oui, oui, oui. Ouais, parce que là, il y a des gens d'outre-Atlantique. Mon pigeon voyageur, parce que j'ai engagé. J'ai acheté, j'ai pas engagé parce que ça me coûtait trop cher. J'ai acheté un pigeon voyageur. Est-ce que ça existe encore en 2016 des pigeons voyageurs, Madame Thibodeau? Répondez-moi, vite. Répondez-moi. C'est qui ce Galaxy? Comment? C'est qui ce Galaxy? Galaxy? Ben, je sais pas, là, mais on parle des pigeons voyageurs, monsieur. C'est qui ce Galaxy? Ben, c'est sans doute en haut. Mais les pigeons aussi, c'est en haut. Ah, vous avez un bon lien, mais je m'étonne moi-même. Je m'étonne toujours, mais jamais trop. Jamais trop. Quoique souvent, je me dis « Hein! » Je sursaute et je tombe en bas de ma chaise. Je me suis acheté une chaise, surtout, j'ai demandé, parce que quand j'ai pris l'avion récemment pour aller à Paris et revenir à Paris, que lorsque je suis revenu à Paris, il me semble que les bancs étaient mal vissés. Fait que j'ai dit à... On disait à l'hôtesse de l'air à une certaine époque, là, mais maintenant, c'est plus ça, là, c'est des quoi? C'est des débardeurs de... Non, c'est des passeurs de nourriture et d'alcool et de... C'est qui? C'est des maîtresses de main. Non, mais il y a des maîtres... En tout cas, les dames et les messieurs qui nous rendent le trajet supportable. Moi, là, personne, je serais très supportable. Tu me mets, là, tout... tu m'ouvres, tu me places un frigo. Tu me dis, vous ouvrez la porte, tout est là. Oh, pour moi, de un, là, tu peux dormir quand tu veux, puis il n'y a pas tout le monde. Nous allons vous passer le repas de ce soir. Alors, veuillez... Ça me dérange! Puis comme je suis VIP... Je ne vais pas passer devant tout ça. Puis surtout quand tu... OK. Le personnel de bord vous amènera... vous amènera. Où ça? Si je vais aller aux toilettes... Je sais où se trouvent les toilettes, madame, là. Vous avez... Je suis bouche-cée. Bouche-cée. Vous êtes bouche-cée. Eh bien, j'ai jamais entendu ça. Bouche-cée. Non, mais c'est intéressant. Non, on reste ici, madame, pendant le temps que ça prendra. Prenez siège. Peut-être qu'il sera éjecté. On va vous sortir vers le... Bon, prenez place. C'est mieux de... Non, mais ça rassure quand on dit prenez place. On sait pas si... on va rester en place, mais prenez place. Depuis combien d'années, madame, vous exercez ce merveilleux travail d'agrémenter le voyage de ces citoyens? Je dirais au technicien, c'est parce qu'elle n'a pas de micro, on ne peut pas l'entendre. Pouvez-vous y accrocher un micro, s'il vous plaît? Je pense qu'elle est attitude. C'est une hôtesse de l'air, elle a une belle attitude, mais attitude. Attachée. On nous demande de nous attacher pendant tout le voyage ou presque, là. Tu peux me l'attacher pendant 15 minutes si je l'informe. Moi, là, je vais parler. Nous avons ici ce soir, à cette belle émission d'Errance Rénaldienne, une hôtesse de l'air, appelée aussi une hôte de bord ou une dame qui nous accompagne vers les cieux et ensuite vers la terre. Souvent, c'est vers la terre, mais ça peut être vers les cieux et vers les cieux. Ça peut monter, jamais descendre. Puis quand ça descend, ben on monte souvent. C'est compliqué. Là. Je ne veux pas non plus m'auto-stresser. Je m'auto-stresse, moi, régulièrement. En m'amenant les choses plus grosses qu'elles sont. C'est ça, hey, je me crée, j'ai deux grands bœufs dans mon étable. Ah, ben, parce que quand tu enlèves le micro de l'étui, ça risque de prendre un élan dépendant du mouvement que tu fais avec ton bras. Et maintenant, je me rends compte que l'élan m'a peut-être perforé la dent inférieure gauche. Je saigne abondamment. Je demanderai à l'ambulance 73 92. Le benjoum dedans. 73 92. Vous avez remarqué, j'allais dire le ch. Mais c'est pas un ch. C'est Benjo, c'est mon ami. Je vais poser mes 10 questions de la fin à ce grand poilu. Parce que c'est un des derniers des grands poilus. Là. On dit que le dernier poilu est décédé. Non. Le dernier poilu est en haut. Pas au ciel, là, mais au deuxième étage. Moi, je fais mon émission au premier étage. Insonorisation zéro. Émission zéro. Qualité zéro. Mais j'ai des bons invités à vous présenter. C'est ça l'intérêt de mon émission. Puis là, je sais, comme je pars des affaires, pas capable de finir. Pourquoi? Parce que on était où, là? Les pigeons! OK, on va finir. Parce que j'allais... Je vous dirai pas mes références. Je te dirai pas, mon ami, mes références, parce que je te tutoie, je te connais depuis belle lurette. Belle lurette. Alors, c'est pour... moi, je vais vous prendre un pain rôti. Si vous pouvez rajouter de la belle lurette. Oh! De la belle lurette à l'ail, aux tomates chéché. Maman, je cherche rien, moi. À l'ail. Alors, il y a rajouté beaucoup d'oignons. De l'ail, des oignons. Ce qui peut me réanimer, vous savez. De réanimer. Puis, non, parcourez pas tout ça de caféine, pas besoin de caféine. Oignon, ail va bien aller avec moi. Puis surtout que les gens vont quand même se tenir à un certain endroit pour pas... c'est rénal, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Il a l'air tellement bizarre, on va sentir son haleine. Il est pas normal. Il y a bien du monde qui grouille dehors. Malgré l'hiver qui fait son smat. Si un soleil, il brille pas fort. J'aime la lumière, c'est un peu plate. Coudon, ça va-tu mal dans le monde? Ou ben y'a juste moi qui capote? C'est peut-être bien parce que j'ai plus de blonde. Que la vie a l'air pas mal moins hot. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. Elle dit qu'asseoir dans mon petit cœur. Il fait frais. Y'a des tracteurs partout dans la rue. Ils vont aller mettre la neige ailleurs. Ça sert à rien, ils vont être déçus. Ça fait même pas plus de chaleur. Hier j'ai rencontré un pauvre. Il vit dans la rue, plus rien pantoute. Il m'a dit une phrase, je l'ai trouvé drôle. La vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'asseoir dans mon petit cœur, il fait frais. J'ai jamais dit je t'aime tout court. J'ajoute toujours quelque chose après. C'est comme ça qu'on voit si on est en amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut. L'hiver est même pas sûr de lui. Il est fait comme moi, il est aussi peureux. Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami. C'est à cause de mon répondeur. Absolument rien, sa cassette. Il a dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. À soir, c'est mon anniversaire. Ben oui, Gordon, j'ai 35 ans. Je le sais, j'en ai pas l'air. J'étais encore plus jeune par en dedans. Ouais, ben l'amour, la mort, pis tout. C'est des questions trop grandes pour moi. Pis à part de ça, le monde entier peut juste savoir combien ça coûte. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. Si j'ai pas le goût d'aller vous voir, vous autres qui dansez comme le feu, c'est pas parce que j'aime pas vos histoires. J'suis un peu jaloux de vous voir heureux. Je vais me réveiller demain matin. Il va avoir un beau gros soleil. Peut-être que je vais voir un petit refrain venir au monde entre mes deux oreilles. C'est à cause de mon répondeur. Y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'à soir dans mon petit cœur, il fait frais. Sortir des bordels là, de mon ami José Yvon, là. Elle lui dit ce que c'est que la normalité. Et la normalité, c'est important, là. C'est intéressant. Tout est intéressant si on s'intéresse. Si on s'intéresse pas à ça, c'est pas intéressant. C'est inintéressant. Oui. Les pigeons voyageurs. J'en ai acheté un. Non, c'est pas un solo de Diane Dufresne, là. Où j'étais au 20e étage, la building. Ou Oxygène. Mais ma chanson préférée d'elle depuis quelque temps, là, c'est Cendrillon est au coton. Au coton. Cendrillon est au coton, Jean-Marc est au bleuet, Réal est au saumon, Joanne est au regret, que vivre dans la vie actuelle. Devant trois petits bidets qui se demandent si miner boire à son lait ce soir, boire à son lait ce soir. Alors là, on sait pas si le petit boira son lait ce soir. Interrogation. Boira-t-il son lait ce soir? Non, mais il va se réveiller, il va pleurer. Ah, mon doucement, Simon. C'est qui ce Galaxie? Galaxie, c'est mon pigeon voyageur. Merci, monsieur, de m'avoir rappelé. Rappelez-moi ça, s'il vous plaît. Au prix que je t'ai payé, tu peux leur dire. C'est qui ce Galaxie? C'est mon pigeon voyageur. J'ai mon voyage, moi, là. Le voyage, parce que c'est bien sûr que quand tu payes pour ces affaires-là, c'est un plumard, c'est une affaire à plume. Intelligent, là. Hey, le GPS n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir. Lui, c'est naturel. GPS, c'est un ordinateur. C'est... Exactement. C'est cybernétique, c'est des informations qui peuvent ne pas fonctionner, tandis que mon pigeon, lui, là, il sait. Il est branché sa nature. Quand il vole, ses plumes sont des radars. Des radars. Et ces radars-là savent très bien où aller. Puis en plus, je vais vous dire la vérité, on m'a offert un pigeon voyageur qui avait été croisé par un perroquet. Vous allez me dire, ouais, mais là, il va répéter, mais c'est... Non. Je l'ai éduqué, comme on éduque des enfants, on élève des enfants, on les monte, on les descend pas, hein. On les rend plus loin que nous, on essaye. Pas facile de les rendre plus loin que nous, là. Surtout quand t'es pas haut. Là. Moi, là, j'ai 65 cents de canettes vides. Oui, c'est, oui. 65 de canettes. Moi, ils sont pas lavés. Ça dégouline. Ça pue laver. Ça pue, mais je vais vous dire qu'aller en ville, là, ça pue. La ville, ça pue. Ça pue autant que mes canettes. Mais ouais, vous allez dire, je ne suis qu'un citoyen. Imaginez-vous si tous les citoyens étaient comme moi, la ville serait... Qu'est-ce que je peux le dire? Serait Milan. Parce qu'à Milan, ça pue énormément. Devant la peinture à l'huile, qui est beaucoup plus difficile que la peinture à l'eau, Milan, ce n'est pas si réglo. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais Milan sur l'eau, c'est pas tes tipidos. Hein? Ça va bien? Oui, moi, depuis que... Allez-y avec votre... C'est qui ce Galaxy? Galaxy, c'est mon pigeon voyageur. Perroquet, croisé perroquet voyageur. Parce que quand je lui parle, là, il me répète une fois, il s'en va, il part, puis quand il revient, il a fait sa mission. Faudrait remettre au monde des pigeons voyageurs. Mais là, partait pas la mode, là. À un moment donné, il y a eu la fausse mode des rats. Le monde s'achetait des rats. Ça allait au spectacle d'Indochine avec des rats sur les bras. Puis là, l'autre... C'est quoi la chanson de je sais pas, là, les trois sexes, là? Puis là, les jeunes sortaient leur rat de leurs vêtements. C'était complètement ravissant. Puis là, ces jeunes-là, qui ont aujourd'hui 50 ans, quand ils vont être un peu plus vieux, là, dans 10 ans, ils vont pas demander un rat musqué. Ils vont demander un rat tout court. J'aimerais avoir un chandail en rat tout court. En poil tout court, puis en rat tout court. Mais là, je veux pas que ce soit des rats qui ont été... non, c'est je veux avoir des rats morts de leur belle mort. Y en a-tu des rats morts de leur belle mort? Oui, mais je veux vous m'en fassiez un manteau. Pas un manteau, un foulard. Je mêle souvent les foulards pour les manteaux, mais... Hey, je suis allé à Québec, là, à moins 40, j'avais oublié de mettre mon manteau, j'avais mis un foulard. Et je me suis rendu compte que quand tu tends, c'est le lexique. Quand le lexique part, tout part, le lexique. Ouais, vous voulez que j'enchaîne avec la musique? Pas la musique, mais mon invité. Ça va me faire un grand plaisir, monsieur le président. Monsieur n'est pas trop catholique, mais dans les voluptés. Elle me fait des signes. Hey, voyons donc, prends ton tarc. Hein? Oui, je me fais des... comme Ginette Borneau. Hein, pas pire, hein? Ça, non, oui, je sais, vous allez me dire, vous faites ça avant de vous présenter devant le public. Mais moi, ça me dérange tellement pas de vous dire que c'est comme ça qu'on doit le faire puis qu'on le fait devant vous. Il n'y a pas de magie, là. Si vous entendez un animateur dire « Bonjour, il est 23h58, vous écoutez Black Papoute. » À l'antenne de la radio Ping-Pong à Pauling. Là, tu te dis, hey, c'est tout à fait naturel, mais ce gars-là, avant ça, il a fait. Là, vous entendez ça beau, là, mais moi, j'aime ça vous présenter la version réelle. n'y a pas d'arrière-scène, il n'y a pas de c'est maintenant. C'est comme ça. Monsieur le Président, Monsieur le Patro-Catholique, Mesdames les Voluptés, oui, je sais. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante, errance francophone, bien sûr, errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme. Reynald Le Néant gagné. C'est qui ce galaxie? Galaxie, ça là. C'est une belle histoire que je ne peux pas te raconter pour deux raisons. La première, c'est que j'ai déjà fait un préambule de cette histoire. Et deuxièmement, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps, pas le temps de dessiner un si mauvais univers dans un beau bol de... Hein? Dans un beau bol de bière. La bière n'est pas dans un bol, c'est dans un boc. C'est dans un verre de gars, là, un gros verre de gars, pas une petite verre de flûte de fille. Fring! Quoique le verre de fille, fring, là. Place du champagne là-dedans, ces petites filles-là. Là, ils sont tous émoustillés. Ah! C'est du champagne! Ah! Puis ils savent pas faire la différence entre le mousseux et le champagne. Fait que, sont tous émoustillés. Puis t'as payé 45$ de moins. Puis tu passes une belle soirée. Compliquer la vie. Là. À comment on fait cette émission? Hein? Je sais, je divulgue mes sources, moi. Je suis pas comme les journalistes qui disent selon une source anonyme, guettant mon œil, vient de se faire perforer l'oreille par une balle au troisième degré qui passa dans sa métaphore première pour atteindre le cortex cérébral. Et croyez-moi, ça fait mal. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est temps de rire, là. Ou de pleurer, ou de changer de... Restez, on a... J'ai des invités à la mesure de ma démesure, ne vous en faites pas. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. La citation, c'est « À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? » C'est librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pit qui change le chapitre diégétique. Votre itinérant langagier rénal. Je suis couché sur mon grand lit. Du coin de mon œil par la fenêtre, je vois l'hôpital. Je suis pas capable de croire qu'il faut que je m'arrête ici. Je suis tout seul. De toute façon, ça me fait trop mal. Mon corps, c'est un pays en guerre. Sur le point de finir, le général de l'armée de terre s'attend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser le drapeau blanc, un point c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle, j'ai des amis. Je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler. Leur dire allô, c'est moi, je suis correct. J'suis toujours en vie. La planète tourne. Elle est pas supposée tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant. et silencieux. Se calisse bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, il est méthodique. Il prend son temps, il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Et j'ai la puisée à l'arme de ses yeux. Oh, monsieur. À partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, on n'a pas de Buck. Non, j'ai essayé. Tu parles d'une idée. Tu as fait une émission hier. On n'a pas mis le Buck dans le pot. Hey, non, j'ai pas pensé à ça. Alors, on va inventer une phrase d'une nouvelle de Charles Bukowski. Inventer? T'es capable de faire ça? On va essayer, on va se concentrer. Attention. Veux-tu aller aux toilettes? Non, ça va bien. OK. Alors, donc, c'est... Hier soir, Susanna recherchait ses bottes sous le lit et ne trouva qu'une tranche... Non, c'est un pain. Qu'un... qu'une capsule de bouteille de bière. Oh, c'est bien dit. Est-ce que tu peux le répéter? Non. OK. Alors, on va improviser ça. Ben oui, c'est ça. Hey, toute la nuit, pas juste un petit peu, là, pas juste les trois quarts, pas juste les 60% de la nuit, toute 100%! 100% de la nuit avec cette demoiselle qui était au bar depuis 2 semaines. Hey, j'ai commencé lentement, moi, là, hein? Par un coup de regard, C'est-à-dire que je regardais ma bière, je la regardais. Là, à un moment donné, elle s'est dit, il doit y avoir un tic nerveux, là. Un autre qui a un tic nerveux. C'est tous des stressés, des incompatibles avec moi-même. Mais moi, en fait, je voulais faire comme le... l'embourgeoisie, l'amener vers moi, la succionner, la voir avec moi, la chercher, aller la prendre quelque chose, aller la... Tu sais ce que je veux dire? Oui, l'envoûter. Oh, c'est l'envoûter. Hey, toi, t'es un poète. Oui. Alors, hey, envoûter, merci. Comment ça s'écrit, ça? En vous, qui? C'est pas en tuté, hein? Non, c'est envoûter dans un seul mot. Oh! Il n'y a pas de vous. Ben oui, il y a un vous. Mais c'est pas en vous, t'es. Non, c'est en, dans un seul. Dans un amalgame. Oh, hey, attends un peu, toi. Envoûter puis amalgame en même temps, toi, là. Hey, à soir au bar, j'ai dit à Tina, c'est un spécial dans la bière fontaine en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Chante, rossignol, chante. Toi qui as le cœur, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ré, do, ré, do, et la vando, ré, rayon de soleil, do. Plus rythmé. OK. C'est la moitié de tout. C'est facile à chanter. Pas si facile à chanter. Il faut avoir du muscle au niveau de la corde vocale. Fa, la mal au nos malchances. Bah, non, c'est si. Si, siffler comme un pinceau. Et nous revenons à dos. Ça dort pas. Ben oui, ça dort à cette heure-là. Toute mère qui se distingue fait coucher son nourrisson après 4 heures de boire. Oui. A-t-il tété le sein? Il a tété. Dort-il? Il dort. C'est un mignon petit. Nous l'appellerons Georgette. Non, pas Georgette. Voyons donc, il y a déjà une Georgette. C'est Georgette Planon. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre ce prénom-là. Chut! Il dort. Hey, moi, mais là, Georgette, c'est pas un homme, c'est une femme. Georgette, pour un homme. Hey, tu vas le troubler déjà avant. Ça, c'est des années de psychanalyse, des années de rencontre avec ce psychologue, un sexologue, un hétérologue, puis un prologue, puis un prologue, c'est pas la même chose, ça, là. Mais hey, arrête là, tu vas le faire. Il va se ruiner dans toutes les logs du monde entier. Il va falloir le loguer à tous les 15 minutes. Il va dire sexe, log, là. Logué, ben allez chercher, là, rentrer dans s'identifier, hein? OK. Bon, alors comment vous voyez ça, là? Ben voyons donc, vous n'avez pas Georgette pour un homme. Ça pourrait être unique. Ben, plus unique que ça, là, tu le rends malade, cet enfant-là, là. Il va pas vivre vieux, là, ça sent le suicide, ça, là. Ça sent Georgette, voyons donc. Pour une femme, ça va très bien, mais pas pour un homme. Ouais, on appelle ça des préjugés. Ben, on appelle ça de l'équilibre. Équilibre? Voyons donc, pourquoi pas Georgette pour un homme? Hé, hey, attends-moi, viens-t'en ici, mon petit crotté, viens-t'en ici. Mon oncle va te parler de ça, mon oncle va te le dire, les vraies choses. Oui. Sylvie. Oui, Sylvie. Sylvie, pour un homme? Oui. Bon, OK, on a un solide. Nennessy. Qui? Nennessy. Nennessy. Nennessy en hiver, une aile vert mouillée, un autre entre dans un café. Slow down, oh world, there's no hurry, 'cause my life ain't mine anymore. I live too fast, now it's too late to worry, and I'm too blue to cry anymore. I once was a fool for the women, now I'm just a fool, nothing more. So slow down, old world. There's no hurry. My life ain't mine anymore. My life ain't mine anymore. I live too fast, now it's too late to worry, and I'm too blue to cry anymore. I once had a way with the women, till one got away with my heart. So slow down, old world, there's no hurry. My life ain't mine anymore. My life ain't mine anymore. Ah, aujourd'hui, je rencontre un artiste qui a l'agenda aussi rempli que celui d'un ministre ou d'un premier ministre, et j'ai nommé le comédien Ludovic Bertigeau. À toi l'artiste. 1, 2, 3, 4! Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, plus décontracté, là. Après avoir passé... J'ai des journées, tu imagines même pas la santé. Ah, mais c'est fou! C'est des journées de fou, tu vois. Là, j'étais en répétition toute la journée. Ok. Et je repars à Avignon demain matin. C'est pour ça que si on se voyait pas là, c'était mort, tu vois. Mais toi, ça roule pour toi, ça pas... c'est incroyable. Tu vas arriver à moitié mort à Avignon. Ça, t'as pas peur. Mais la scène te donne toute cette énergie-là. L'avantage de la scène, c'est un peu comme... c'est comme quand tu tournes. Et quand tu arrives sur une scène, t'es plus fatigué du tout. Non, c'est ça. T'as un côté hors du temps. Et là, t'as deux choses. T'as le côté hors du temps. Et puis t'as le côté... Là, mon spectacle, il fait à peu près 1h10. Ok. Quand tu rentres sur scène, tu joues ton spectacle, t'arrives à la fin, t'as l'impression que t'as joué un quart d'heure, 15 minutes, alors que t'as fait 1h10. La temporalité n'existe plus. L'échelle du temps sur une scène est complètement différente. Mais avant tout, là, on va te placer un peu là, dans le contexte. Tu es un comédien, mais t'es encore, t'es aussi boxeur, t'as eu une formation en boxe. Je fais toujours de la boxe, mais je fais beaucoup de boxe en prison. Je fais de la boxe pour la réinsertion pour les détenus en prison. Ok. Et là, justement, je viens de finir un film hier avec Max Boublil, avec Mélanie Bernier, Gérard Darmon et Gérard Jugnot, où je fais un rôle du toit qui m'ont coupé les cheveux. J'avais les cheveux longs avant, enfin, pas comme toi, mais un peu plus long, plus comme lui là-bas. Et ils m'ont rasé la tête il y a 15 jours pour le film, tu vois. Okay. Donc, je fais un rôle de gitan, okay, qui fait un peu de boxe aussi et tout. Et on a fini le film hier, voilà. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné le feu sacré? Alors, le feu sacré, je dirais que, je sais pas si c'est le feu sacré, mais bon, premièrement, depuis tout petit, je suis passionné par les conneries, tu vois, j'ai toujours fait des conneries. À l'école, les gens aiment pas trop quand tu fais des conneries, mais moi j'étais passionné de conneries. Et après, je suis rentré au Club Med à l'âge de 18 ans et demi, 19 ans, tu vois. Au Club Med, j'ai commencé doucement. J'ai rencontré Eli Kaku. Tu vois qui c'est, Eli Kaku? Ouais, voilà. Et c'est un garçon qui m'a beaucoup inspiré. Un garçon avec qui j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et le Club Med, en montant sur scène, m'a donné envie de poursuivre ça, de continuer ça et de faire des films. C'est vraiment le Club Med qui a été le côté déclencheur de faire du cinéma. Mais qu'est-ce qui t'a illuminé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je dirais que... Moi, je suis passionné par changer de personnage tout le temps, tu vois. Et le fait qu'un jour, tu vas jouer un flic, après tu vas jouer un voyou, après tu vas jouer un médecin, après tu vas jouer un bourgeois, après tu vas jouer un clochard, après tu vas jouer un journaliste, un patron de bar, un tenancier de charcuterie, enfin, tu vois, tu fais différents rôles à chaque fois. Et rentrer dans des personnages, c'est vachement bien. Et moi, ce que j'aime dans le... J'adore le cinéma, j'adore le théâtre, mais je préfère un peu le cinéma pour une raison, c'est que au théâtre, tu rencontres aussi des gens passionnés, mais je trouve qu'au cinéma, c'est tellement dur de monter un film, parce que réunir l'argent, faire le film, monter tout ça, c'est tellement dur de faire le film que tu rencontres des gens hyper passionnés, des gens qui sont hyper... Et moi, j'adore les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, tu vois ce que je veux dire, qu'elles soient un homme ou une femme, tu vois. Et quand un réalisateur ou une réalisatrice te parle de son projet, il t'emmène avec elle ou avec lui dans son projet. Et ça, c'est passionnant. D'avoir quelqu'un qui t'emmène dans son projet et dans son univers. Mais toi, tu vibres aussi. Toi aussi, t'es un être qui vibre. J'essaye. Oui, mais... Et puis c'est des gens tellement différents là, tu vois, j'étais avec une fille qui s'appelle Lucie Chauffour pour un film qui s'appelle Gaz Gaz que je vais commencer au mois de septembre, tu vois. Et la nana elle est passionnée de malade, quoi. Elle est passionnée de moto, elle est passionnée du monde de mécanique et tout, tu vois. Donc c'est vraiment une nana intéressante qui fait plein de choses et qui t'emmène dans son univers. Et toi, t'as fait une école? Alors, je veux dire que d'abord, j'ai fait l'école de la vie. Oui. Ça, c'est la première. C'est que tout le monde devrait faire. Ouais. Moi, je dis que... Après, j'ai fait une semaine, donc très peu, chez Pygmalion. C'est un stage d'acteur à Paris. Mais ils voulaient pas de moi, chez Pygmalion. Ils m'ont dit, Ludovic, le métier n'est pas fait pour toi, repars. Donc, j'ai... en 25 ans, j'ai fait 140 films. C'est quand même pas mal. Donc ça va, on va pas se plaindre. Oui, ils se sont trompés, un peu. Mais tout le monde peut se tromper, c'est pas grave. Tu vois, mais ce que je veux dire surtout aux jeunes comédiens et comédiennes d'aujourd'hui, c'est que même si on vous dit c'est pas pour toi, t'es pas fait pour ce métier, c'est pas bon, vas-y, fonce. N'écoute que ton envie à toi, ton avis et ce que t'as envie de faire et ne te pose pas de questions. C'est ça qui est important. Parce que si tu commences à écouter tout le monde, tu t'en sortiras pas. Et surtout, ce que je dis tout le temps quand je fais des interviews, pour moi c'est important, c'est de pas avoir de plan B. C'est-à-dire que, je me rappelle un jour, j'ai un comédien, enfin il n'était pas comédien, mais il m'a appelé, il me dit voilà Ludo, je t'appelle parce que j'ai envie de devenir acteur, je dis super. Il me dit voilà, je vais monter à Paris pendant un an et après si ça marche pas, je repars. Alors je lui dis ne monte pas. Parce que je lui dis, il me dit ouais si jamais ça marche pas, j'irai bosser avec mon père et tout ça. Je lui dis si déjà t'as un plan B en disant je reste déjà un an à Paris, c'est pas assez. Tu vas monter à Paris, le temps que tu montes à Paris, tu fais des photos, tu rencontres des gens, tu fais des trucs, l'année, elle est pliée, elle sera passée. Donc déjà un an à Paris, c'est pas possible. Il faut au moins que tu te donnes minimum 4-5 ans pour commencer à rencontrer des gens et faire des choses. Ça c'est la première des choses. Et si t'as déjà dans ta tête la possibilité, si ça marche pas, je bosserai avec mon père. Va bosser avec ton père directement parce que tu as tellement de trucs qui vont te permettre que ça ne fonctionnera pas que tu n'auras pas le temps de te donner la chance que ça marche. Il faut que tu aies de la passion aussi. Ah, donc, bien sûr. On sent quand on te rencontre, tu es vibratoire. C'est la première chose, c'est la passion. Et c'est ce que je remarque aussi, c'est ce que tu recherches chez les autres. Tu veux aussi que les autres soient passionnés. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Oui. Justement, c'est ce transfert de passion qui est intéressant. Et toi, lentement, tu t'es créé un genre de monde, des gens qui veulent travailler avec toi. Ouais, bah, au bout de plus de 20 ans de carrière, on va dire qu'au bout d'un moment, tu as. T'as des gens maintenant moi qui m'appellent en direct ou qui appellent mon agent Sophie Lemaître en lui disant voilà j'ai fait un film au Canada il y a quelques années qui s'appelait All You Can Eat Buddha de Yann Lagarde. Oui, Yann Lagarde. Voilà, on avait tourné ensemble et on avait tourné 4 semaines à Cuba et une semaine à Montréal, tu vois. Et Yann, il avait contacté mon agent parce qu'il m'avait vu dans Le Roi de l'Évasion, le film de Guy Roddy. Et il m'avait contacté, donc il m'avait envoyé le scénario. J'avais beaucoup aimé son scénario. Et il m'a dit, on peut se rencontrer. Je dis, ouais, il me dit, bon, bah, je prends un billet d'avion et j'arrive. Donc le mec est venu de Montréal à Paris. Il est venu, on a discuté, on a parlé du film. On est tombé d'accord. Et 3 mois après, je partais à Cuba. J'ai rejoint toute l'équipe canadienne là-bas à Cuba. On a tourné 4 semaines à Cuba et après à Montréal. Mais c'est les rencontres aussi qui fait que tu es rendu où tu te trouves actuellement, là, avec des contrats, avec aussi ton. Est-ce que c'est un one-man show? Oui, c'est un one-man. Enfin, ouais, on peut dire que c'est un one-man show. Alors, c'est un one-man show et c'est aussi un seul en scène. Okay. C'est un petit peu les deux. Seul en scène. Voilà, parce que seul. Ça veut dire qu'il y a une partie comique parce que c'est Pascal Légitimus qui fait la mise en scène. Ouais. Donc, on a retrouvé pas mal de comiques. Et moi, ce que j'aime, c'est que les gens, à la fin du spectacle, me disent on a rigolé, mais pas que. Et on est reparti avec des choses qu'on ne savait pas. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce monde-là. C'est que les gens te disent voilà, on a adoré le spectacle. On a adoré ce que vous avez dit, on a beaucoup écouté, c'était sympa. À côté de ça, on a appris plein de choses, mais en dehors d'apprendre, voilà, on a des anecdotes sur le monde du cinéma, sur les acteurs, sur tout ça. Et ça, c'est aux gens, ça, ouais, ça beaucoup. Et puis ce qui leur plaît, c'est que les anecdotes que je raconte dans le one man show, c'est des anecdotes qui sont vraies. Et c'est des anecdotes qui me sont arrivées, donc qui sont racontées par la personne à qui c'est arrivé. C'est pas un truc on dit ah bah machin m'a dit ou truc m'a dit. Ou bidule maintenant. C'est toi, c'est toi. C'est moi à qui c'est arrivé réellement. Voilà. Je raconte des anecdotes avec Depardieu, ou mon film avec Jean-Luc Godard, ou des choses comme ça, ou avec Jet Li. La bête de miséricorde. Non, oui. Ça c'est Moki, c'est l'éloge de l'amour. L'éloge de l'amour avec Bruno Puzzulu. Oui. Ça c'était, je faisais le rôle d'un clochard, c'était avec Jean-Luc Godard, et l'éloge de l'amour c'était donc le film de Godard, et la bête de miséricorde c'était Moki, voilà, Jean-Pierre Moki. Je faisais un prêtre. Taking the easy way out now. commencé de travailler avec Godard? Ce que je raconte dans le film, c'est très spécial. Son assistante m'appelle, appelle mon agent, elle me dit voilà, Jean-Luc Godard voudrait vous rencontrer. Moi, j'arrivais du Club Med. Imagine un peu la différence entre Godard et Club Med. Je ne raconte pas le truc. Il y a quand même un dilemme, un décalage très important. Et je me dis, et vrai ce que je te raconte, je me dis, bon, je vais mettre en face de lui, et s'il ne me parle pas, je ne lui parle pas. Okay. Je me dis vraiment, s'il ne me dit rien, je ne lui dis rien, je ne sais pas quoi lui dire. J'arrive, je m'assois en face de lui, comme on est là tous les deux en face l'un de l'autre, tu vois. Le mec me regarde dans les yeux, comme ça, il ne me parle pas. 2 minutes dans les yeux de Godard, c'est très très long sans parler. Et je me dis, au bout de 2 minutes, il se lève, il prend sa veste et il s'en va. Je me dis, c'est mort, je n'ai pas le film. Je prends ma veste, je me casse, et là, son assistante me récupère dans le couloir, elle me fait, il vous adore, vous faites le film. Je vais pas parler. Aïe aïe. Je vais pas parler. C'est ça qui a. Tu vois, il s'est. Il a vu dans le silence qu'il y avait quelque chose. Et il m'a proposé un rôle de clochard avec Bruno Puzulu. Ah, et bon. Son assistante m'a donné, on était en 1999. On n'était pas encore passé à l'euro, payé en francs. Oui. Elle m'a donné un billet de 50 francs. Je lui ai dit, pourquoi vous me donnez un billet de 50 francs? Elle m'a dit parce que tout travail mérite salaire et Monsieur Godard, quand il fait déplacer un acteur ou une actrice, trouve que c'est. Un travail, donc ça vaut, pour lui ça valait 50 francs. Donc c'est la seule fois où j'ai été payé pour faire un casting. Mais ça prouve que c'est un être très conscient du rôle de l'acteur et de l'actrice. Il les aime, les acteurs. Ah oui, il aimait les acteurs, il aimait les actrices. Et il avait un côté à lui très intello, tu vois, tout, il te regardait avec son œil. Il avait une petite coquetterie dans l'œil en plus et tout, tu vois. Et c'est marrant parce que je me dis, si jamais je parle, il va interpréter ce que je vais dire ou pas, ou peut-être, ou machin, bidule. Mais toi, est-ce que tu connaissais Godard? Est-ce que tu connaissais le personnage? Je connaissais ce qu'il avait fait, tu vois, certains films, Pierrot le Fou ou d'autres, tu vois, j'en connaissais, mais beaucoup moins que maintenant, parce qu'à l'époque, moi j'arrivais, comme j'ai dit, du Club Med, et entre Jean-Luc Godard et le Club Med, il y a vraiment une grosse différence, tu vois. Lui, c'était le cinéma, c'est la vérité, et le cinéma, c'est 24 images par seconde. Oui. Moi, c'était pip pip me. Moi, c'était plutôt Carlos. Hein? C'est différent. Oui. Mais donc, c'est ces gens-là qui t'ont inspiré. Qui m'ont inspiré, des gens comme lui, des gens comme Francis Weber, avec qui je fais le film Tais-toi en 2002. C'est mon premier film avec Depardieu, donc c'est très intéressant. J'ai aussi rencontré Thomas Gilou, avec qui j'ai fait 3-4 films, qui a fait La vérité si je mens 1, 2, 3. Moi, j'ai fait Michou d'Aubert avec lui, plus d'autres, Victor, La vérité si je mens 4. On a beaucoup bossé ensemble. Des mecs comme Patrice Lecomte, enfin, tu vois, des Alain Guiraudy pour Le Roi de l'Évasion, enfin, tu vois, des gens comme ça. Mais toi, depuis que tu as commencé, après avoir abandonné ton premier travail pour te lancer dans le cinéma, le théâtre, ça n'a jamais arrêté. C'est vrai que ça a eu, je touche du bois, il y a eu... Parce que quand on regarde sur ce média, ton cursus, il est impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'arrêt. Et là, tu vois, par exemple, là, je suis en train de... j'attaque la pièce avec Pascal dans une semaine, là, à Avignon. Après, je renquille un autre film derrière, plus un autre film derrière. Donc c'est vrai que ça, pour l'instant je touche du bois, mais il y a très peu de temps mort, tu vois, très peu de temps mort. Et pourquoi, je sais pas. Alors que, tu vois, au début, moi j'étais parti plus faire un cinéma, entre guillemets, commercial, tu vois. Quand j'ai commencé, ça a été Le baiser mortel du dragon, ça a été Wasabi, ça a été Tais-toi, ça a été Banlieue 13, des gros trucs, tu vois, de Luc Besson et des trucs comme ça. Et le jour où on m'a appelé faire Le Roi de l'Évasion, je suis parti sur un cinéma plus d'auteur. Et après, j'ai bossé avec Stéphane Brisé, j'ai bossé avec... Mais quoi, tu sais que c'est le bouche à oreille aussi qui t'aide à... Peut-être. Avec Émilie Deleuze. Je pensais pas que tu pouvais faire ça, mais là, je vais l'appeler. Ouais. Bah, les gens, quand ils m'ont vu dans Le Roi de l'Évasion, ils ont dit, c'est bien, on pensait pas qu'ils pouvaient peut-être faire ça. Ça leur a allumé quelques ampoules et donné l'envie de faire autre chose. Alors, t'es multifacette. Ouais. Et c'est les gens qui t'amènent à te surpasser. Mmh. C'est les réalisateurs qui t'amènent à te surpasser, les comédiens, les comédiens. Et puis, même dans la direction d'acteurs, tu vois, t'as des metteurs en scène qui sont très tolérants et qui vont te laisser une certaine liberté. Et tu prends un mec comme Weber, par exemple, qui est un auteur-réalisateur et tout, tu vois. Lui, Weber, il est à la virgule près, tu vois ce que je veux dire. Quand tu peux pas changer son texte, tu peux rien bouger. Lui, il a écrit des choses. Moi, je me rappelle d'une scène où il a arrêté arrêté un jour quelqu'un, un comédien qui est en train de tourner. Il appelle la script, excusez-moi, après tel mot, il y a une virgule. Il sait qu'il y a une virgule, tu vois. Mais il y a une virgule. Oui, monsieur, il y a une virgule. Il y a une virgule, tu vois. Donc, il le sait. Moi, mais... le louche qui lui laisse aller les artistes. Le louche, il laisse faire de l'improvisation. Ouais. Mais c'est complètement différent, tu vois. Ça n'a rien à voir. Il dit jamais coupé aussi. Non, il essaie d'aller le plus possible. Il cherche comme Maïwenn, c'est pareil. Il dit que le plus important, c'est après, quand il reste plus rien. Et ça, c'est vraiment. Ah, mais c'est des méthodes complètement différentes. Le louche, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est une école en soi. Complètement. Et toi, tu puises dans chaque. Dans quand, chaque personne. Quand t'es comédien, t'es obligé. Quand tu es acteur, t'es au service de la mise en scène. Donc si le metteur en scène veut que tu sois précis dans le texte, sois précis dans le texte. Si le metteur en scène te laisse faire de l'impro, fais de l'impro. Est-ce que t'es né à Paris ? Non, je suis né à Rouen, okay. Entre Lyon et Saint-Etienne, dans le centre de la France. Oui, oui. Voilà. La seule chose qui t'a amené à Paris, c'est... C'est le métier. Et maintenant, ça fait 25 ans que je suis à Paris, et j'adore cette ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des arrondissements qui te plaisent davantage ? J'habite juste au-dessus, là. J'habite à Montmartre. Ah, tu restes à Montmartre ? Ah. Ok, alors c'est pas loin. Là. Ah, quand tu m'as dit au café Chinon à Abbesse, j'étais ravi parce que moi, je remonte chez moi à pied, là. Je suis juste au-dessus, moi, là, tu vois. Ok, puis c'est formidable ici, hein. C'est un très beau quartier. Moi, ça fait, je te dis, 25 ans que je suis là et je suis très, très content d'être là. Et le métier, est-ce que tu te passionnes autant avec, tu sais, on a eu des problèmes de, tu sais, la société a eu un problème de santé. Ça s'est arrêté pendant 2 ans. Ouais, alors moi, le Covid, là, justement, pour parler de ça, quand le film s'est arrêté, enfin, quand j'étais sur un film qui s'appelait Maison de retraite, ouais. On s'est arrêté. Moi, je suis reparti chez mes parents quelques mois, 2 mois exactement. Et j'en ai profité pour écrire à Rouen, à côté de Lyon. Voilà. Et j'en ai profité beaucoup pour écrire parce que des fois, on n'a pas le temps d'écrire ou on se donne pas le temps. Et les 2 mois que j'ai passé à la maison à Rouen, j'ai écrit pour des projets que j'avais envie de faire en tant que réalisateur et qui sont en développement pour 2024. Jamais arrêté. Non. Avec le Covid, c'était un peu plus cool parce qu'on tournait pas, mais au moins j'écrivais. Et avec les années, est-ce que c'est plus facile de trouver des contrats? Au contraire, tu sais toujours un renouvellement et toujours se présenter comme si on était le premier. Alors, plus facile, je sais pas, mais l'avantage c'est que j'ai plus d'expérience. Donc plus tu as de l'expérience, plus ton spectre est large et plus c'est facile d'avoir des contacts. Okay. Et puis les gens te voient dans des films, donc oh, au bout d'un moment. Au théâtre, et puis ton one-man show, ton spectacle vivant, est-ce que tu l'as joué ailleurs avant de le présenter à Lyon? Alors, je l'ai d'abord joué au théâtre de 10 heures juste en bas à Pigalle là, pendant quelques temps, mais on l'a beaucoup modifié, là, c'est une nouvelle version, donc on l'a joué pendant 6 mois au théâtre de 10 heures en bas, là, juste en dessous. Mais là, à Avignon, la version qu'on va jouer, c'est une toute nouvelle version. Et qu'est-ce qui a changé? La mise en scène, parce qu'avant c'était Gérard Moulevrier, là c'est Pascal Légitimus. Pourquoi il s'est présenté à toi? Parce que on en a parlé avec le producteur et on voulait donner un petit coup de jeune au spectacle et travailler avec plus de vannes. Voilà, avec plus de blagues à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est allé voir Pascal. Et lui, il trouvait vraiment l'endroit où tu l'avais placé ta Ouais, ben il a revu le spectacle. D'abord, il m'a dit renvoie-moi la vidéo. Il a vu la vidéo. Et une fois qu'il a vu la vidéo, il m'a dit ok, je pense qu'on peut le faire progresser ou amener le spectacle dans des zones un peu différentes. Et moi, ce qu'il m'a proposé, ça m'a beaucoup fait rire. Ah oui? Mmh. Et tu trouves que ça rend plus service à ton texte? Ça rend plus service au texte et même à moi, je me mets plus en danger en tant qu'acteur. J'interprète plus de personnages, tu vois. Il y a plus de folie dans le spectacle. Est-ce que c'est dur de jouer son propre texte? Moi, je préfère jouer mon propre texte que le texte des autres. Parce que tu peux le modifier? Voilà, tu peux modifier des trucs, ouais. Même quand c'est le texte des autres, tu peux un peu, mais quand c'est le tien, t'es plus libre. Es-tu un amoureux de l'improvisation ou quand c'est écrit, on touche plus? Non, voilà. Tu sais, moi, dans mon spectacle, j'essaie de faire intervenir pas mal le public. Okay. Je fais des quiz où je leur pose des questions, où je leur demande, vous connaissez tel comédien ou qu'est-ce que vous en pensez ou ça, tu vois. Donc moi, j'aime bien ce côté improvisation où on peut participer avec le public. Donc automatiquement, quand tu joues avec le public, automatiquement, tu as une part d'improvisation. C'est vrai. Puis le public, hein, c'est un bon joueur. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, parce qu'ils aiment ça. Oui, ben, parce qu'ils viennent là pour se divertir, ou si tu veux t'arrêter à un moment donné puis creuser sur ce que tu as mis de côté? Non, là, en tant que comédien, j'ai encore pas mal de projets à venir, tu vois, là jusqu'à fin mars de l'année prochaine, je suis déjà archi-booké, tu vois. Okay. Et après, j'aimerais plus me consacrer à la réalisation. Prends-tu des vacances? Parce que je te vois aller, là... Écoute, je vais essayer d'en prendre un petit peu au mois d'août, là, si je peux. Et peut-être un peu en novembre avant de repartir, mais... Merci, monsieur. Mais j'ai pas le temps d'en prendre plus pour l'instant. Ok. Mais... c'est partir à pied. Ouais. Parce que c'est toute façon, ça reste pas. Est-ce que ça fait longtemps que t'en as pas pris? Ça fait quelques temps que j'en ai pas pris. Ça se voit, non? Mais non, non, c'est pas ça. Mais parce que si on te suit sur Facebook, quand on regarde ce que tu fais sur Wikipédia, c'est incroyable. C'est en fait, on dirait que t'es trois personnes en une. Comment tu trouves l'énergie? Comment trouves-tu l'énergie? Je vais te répondre très simplement, je pense que je trouve l'énergie pour une seule et bonne raison, c'est que j'aime mon métier. Et quand tu aimes ce que tu fais, déjà, tu regardes. Bah, moi, tu vois, je suis pas à regarder le temps, à me dire, ah bah tiens, j'ai commencé à telle heure, faut que je finisse à telle heure. Je suis pas là-dedans. Mais avant d'être comédien, j'ai travaillé au Club Med et j'ai fait de la magie aussi, tu vois. Et chaque fois que j'ai fait des différents métiers que j'ai fait, j'ai jamais regardé les heures que j'ai fait parce que j'ai toujours fonctionné à la passion. Et quand tu fonctionnes à la passion, tu regardes pas tes heures. C'est vrai. J'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Vas-y. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Oh putain. Si j'étais un liquide, je dirais de l'eau. Parce que de l'eau, elle apporte. C'est la seule chose qui te déçoive quand tu as vraiment soif, tu vois. Et c'est la chose qui, si tu n'en as pas, peut te faire mourir en 7 jours. Ah ouais. Et elle est gratos. Et en plus, elle est gratos. Pourquoi acheter de l'eau en bouteille, c'est pointant. Et t'en trouves de partout. Non, mais c'est un crime, hein, de l'eau en bouteille. De l'eau. Pour le plastique. Si tu fais une ville. Une ville ? Ouais. Las Vegas. Ah ouais. J'adore cette ville. Ouais. Les gens me disent, mais c'est une ville complètement fake. Je leur dis, ouais, mais c'est une ville complètement fake. Las Vegas, soit tu aimes, soit tu détestes. Moi, je connais pas des gens qui me disent Las Vegas, t'as aimé ? Bof, moyen, personne te dit non, ça. Soit les gens te disent j'ai adoré Las Vegas, les gens te disent j'ai détesté Las Vegas. Oui. Parce que Las Vegas, c'est la ville de toutes les folies, oui. Tu vois. Et moi, j'adore ça. T'arrives à Vegas, ton avion il se pose, ou tu es en voiture, T'as des luminaires de partout, machin. C'est un truc de fou. T'as tout ce que tu veux, Tu te balades dans la rue, t'as des voitures de ouf, tu peux trouver des transsexuels, tu peux trouver des gens avec des échasses qui marchent dans la rue, tu peux trouver des nains, tu peux trouver des... qui tout le monde croise, tout le monde se sourit. Mais ouais, c'est ouf quoi, c'est ouf. Donc j'irai... Oui, vas-y. J'irai à Las Vegas. Mais surtout, il y a une expression qui dit ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Hein. Donc c'est le côté mythique aussi de l'endroit. C'est une ville folle. Et puis moi, un de mes films préférés, c'est Casino. Oui, ben oui. Tu vois, avec De Niro, qui se passe à Vegas. Et je sais pas, Las Vegas. Ouais, c'est vraiment très très bon. C'est Oliver Stone. Oui. Ouais. Si tu étais une langue. Martin Scorsese, non? Oh, Martin Scorsese, oui, c'est vrai. C'est pardon. Vrai. C'est vrai, oui. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Bon, écoute, je vais être chauvin. Ouais. Je dirais le français et l'italien. Parce que je parle pas un mot l'italien, enfin trois mots, mais je trouve que quand je l'écoute, ouais, ça a une sonorité à Macacodali, c'est très beau l'italien. Ouais, il y a une sonorité très belle, et je trouve que le français est une très belle langue aussi. Donc je dirais français-italien. Si tu étais une époque. Une époque, je dirais les années 80. J'adore les... Alors, je vais passer pour un vieux con, le mec de 50 balais qui... Mais j'adore les années 80, j'adore l'époque de Madonna, j'adore l'époque de Michael Jackson, tous ces trucs-là, tu vois. J'adore les séries des années 80, les dessins animés, la musique des années 80, tu vois. Je suis un fan de disco, mais voilà, la disco, j'adore. Il y avait une liberté dans les années 80 qu'on ne retrouve pas maintenant, qu'on ne retrouve plus. Ouais, les couleurs aussi. Ouais, hein. Si tu étais un mot. Un mot ? C'était un mot, je dirais. Espoir. Espoir parce que dans la vie, il y a toujours de l'espoir et il faut jamais laisser tomber. Je dirais une omelette aux pommes de terre. C'est mon plat préféré. C'est simple et très, très nutritif. Des petites pommes de terre coupées en rondelles très fines, un peu de sel, un peu de poivre, tu bats une omelette, tu mets ton omelette sur les pommes de terre, tu fais ça rissoler dans une poêle, je me lèverai la nuit pour en manger. Est-ce que tu fais plus cuisiner la petite terre? Alors, j'ai pas trop le temps, j'aime bien cuisiner des trucs, mais je suis pas un fin cuisinier. Mais de temps en temps, j'aime bien tester des trucs un peu bizarres. Okay. Sucré, salé, j'aime bien faire des tests. Okay. Est-ce que tu manges souvent dans les restos? Alors, de mon métier, ouais, okay. Mais j'aimerais manger plus souvent chez moi. Ouais, c'est moins gros. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Le cœur. Ouais. Et quand il s'arrête, tout s'arrête. Même le cœur de chaque chose. Si tu étais une saison. L'hiver. Ah oui. J'adore le froid. Au Québec? Ah, j'adore. Moins 40. Ah, mais j'adore. Ah ouais. Tu sais, moi je prends des douches d'eau froide depuis très longtemps. Okay. J'ai lu les bouquins de Wim Hof là. Ouais. Mais j'adore ça, tu vois. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ouais. J'adore les couleurs de l'hiver. J'adore la neige. Quand tu marches dans de la neige fraîche, rouge comme ça, tu t'y connais. Hein. Ouais. En tant que Québécois, tu connais ça. J'adore l'hiver. J'adore le froid, tu vois. Et j'ai jamais rencontré d'ours, mais le gros problème si je rencontrais un ours, c'est que j'aurais envie de lui faire un gros bisou. Oui. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que j'aurais. Lui, il ferait plus qu'un gros bisou avec, hein, et il irait peut-être plus loin dans la vie. Donc, mais tu sais que je suis allé au Canada 3-4 fois. Au Québec ou À Montréal et à Winnipeg. Okay, ça, je suis allé à Winnipeg aussi, tu vois. Et il faisait très froid quand je suis allé à Montréal une fois. Je suis allé passer le 31 décembre là-bas. Oh oui, ok. Et j'ai adoré ça, tu vois. J'ai adoré ça. Il faisait moins 27, moins 28. Et moi, c'était mon élément, quoi. C'est pour ça que nous, on est très chaleureux à cause du froid. Non, mais c'est vrai. On passe à travers bien des choses. Si tu étais un autre individu... Un autre individu? J'aimerais... Martin Luther King. Ah, ouais. Parce que c'est un garçon qui a été dans la résilience toute sa vie, qui a fait de la prison, qui a défendu ses idées. J'aurais pu te dire Nelson Mandela aussi, tu vois, mais Martin Luther King ou Nelson Mandela, parce que c'est des garçons qui ont fait de la prison, qui ont été dans la résilience, qui n'ont jamais rien lâché et qui se sont battus pour le droit des humains. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl. Thank you. choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ouais, je ferais le même chemin parce que tout ce que j'ai appris avant d'être comédien, c'est-à-dire tout le chemin que j'ai parcouru avant, ça m'a beaucoup appris pour ce que je fais maintenant. T'es-tu un homme, on a parlé tout à l'heure, mais au milieu de projet, ça s'arrête jamais dans ta tête? Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important. Oui. Tu vois, moi j'ai 54 ans, je sais pas jusqu'à quand je vivrai, mais si je vis encore longtemps, j'espère avoir tout le temps des projets et continuer, que ce soit au théâtre, à la télévision, au cinéma ou en tant que réalisateur, et avoir toujours des projets, c'est ça qui te fait avancer et qui te garde en bonne santé. Mais crois-tu qu'à un moment de ta vie, c'est plus tranquille parce que l'âge avance? Pour les femmes, ça c'est certain. Pour les femmes, c'est certain. Après, en tant que comédien, tu peux continuer à bosser tard. Hein, tu vois. Pierre Richard, il a 89 ans, il continue à travailler. Pour les femmes, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. Et pour les garçons, tu peux travailler tard. Mais Pierre Richard, il s'est arrêté aussi. Il s'est arrêté pendant un moment et là, il reprend à fond. Là. Et on dirait que plus l'âge avance, plus il y a cette force de ne pas s'arrêter. Bah parce que tu vois aussi que plus tu avances dans le temps, plus tu sais que tu vas vers le chemin final et que tu dis tout ce que je peux prendre, je prends. Ouais. Donc tu n'as pas envie de t'arrêter. Pour ça, moi, quand il y a eu la réforme des retraites, j'étais plus d'accord avec les gens comme quoi, effectivement, 62 ans, 64 ans, c'est trop tard, tu vois. Ouais. Mais moi, je sais que je m'arrêterai pas, quoi. Donc... Ouais, mais parce qu'il y en a beaucoup, là, quand tu te lèves à 4 heures du matin, c'est différent. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Mais parce que surtout que l'artiste a toujours été habitué d'en arracher, de toujours essayer de trouver quelque chose. Oui, complètement. Mais bon, on peut comprendre. Est-ce que tu as beaucoup de projets là, sur la table? Alors, là, j'ai le One Man Show avec Pascal. Oui. Après, j'ai le film Gascaz de Lucie Chauffour. Après, j'ai un autre film que je vais tourner entre la France et la Moldavie de Slonisso, celui qui a fait Oumami là, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Un truc sur l'Ukraine, justement. Okay. On va tourner en France et en Moldavie. Après, j'ai aussi une autre pièce de théâtre et un autre film qui attaque au mois de février avec Chantal Latsou. Film de Didier Van Kovelaert. T'as 365 jours de bien rempli. Oui. Et ça te passionne. Des fois, je suis d'accord avec toi, j'aimerais avoir un peu de vacances, mais je m'arrêterai un autre jour. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Quand il y a de l'énergie, il y a encore... Ouais, il faut. T'as pris une bonne nuit de sommeil, t'es reparti. Ouais. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Est-ce que tu dors beaucoup? J'aime bien dormir, mais là j'ai pas le temps. Ok. Mais c'est quoi? C'est 8 heures? J'aime bien dormir 7-8 heures. Ouais, okay. J'aime bien faire mes 7-8 heures de sommeil. Est-ce que ça arrive souvent que tu sois pas frais, que tu sois pas... Là, je vais te raconter ma journée d'avant-hier. Je suis parti très tôt le matin, de 6h30 du matin, okay, à Avignon avec Pascal Légitimus. Okay. On a pris un train, on est arrivé à Avignon, on a répété toute la journée, on a repris un train, on a refait donc Paris-Avignon, Avignon-Paris, Gare de Lyon. Je suis arrivé à la Gare de Lyon, Pascal est rentré chez lui, j'ai repris un TER pour aller à Gare du Nord. Gare du Nord, j'ai repris un train pour aller à Compiègne. Je suis arrivé à Compiègne à 22h30, j'ai mangé un bout sur le pouce, je suis allé me coucher. Demain matin, j'ai tourné donc hier le film de Grégory Boudboul toute la journée à Compiègne. Je suis rentré hier soir, il était 22h30. J'ai pris une douche, je me suis couché. Et ce matin, je suis parti à 8h30 pour répéter sur le film de Lucie Chauffour toute la journée. Et me voilà ce soir avec toi. Luc, comment tu fais? Je sais pas. Tu y penses pas? Tu y penses pas? Weeps. Là, ce que je peux te dire, c'est que quand on aura fini l'interview, là, je vais prendre une douche, me coucher et faire dodo. Je prends quelques photos. Allez, vas-y. Parfait. Je te comprends, c'est vraiment pas... Et toi, t'as entendu parler de moi comment par... Internet, mais surtout Wikipédia qui m'a... Et tu connais Yann Lagarde ou pas? Ben oui. Mais il travaille beaucoup sur le théâtre. Ouais. Mais il a fait 3 films. Des courts-métrages, il a fait 1 court-métrage. Tu l'as déjà interviewé? Non, pas encore. Non. Dernière, là, ouais. Vas-y. Ok. Voilà. Hey, merci. Bah, si tu l'interviews, dis-lui que c'est de ma part. Oui. Puis je vais t'envoyer les liens, je vais t'envoyer les photos lors de la diffusion, tu vas le savoir. Ça sera quand? Je sais pas. Mais c'est au courant de l'année. C'est Voyez le film, la boîte de la fin de Lagarde. Ok. Elle est à Montréal. Oui, ok. Et donc, tu vois, on va suivre, on est sur Facebook, Camille Facebook, donc tu vas avoir tous les liens. Pas de problème. Et puis, hey, merci d'avoir accepté parce que c'était le dernier moment. Après ça, on oubliait. Pas demain matin, tu vois, donc c'est bon. Alors, on va te reposer. À bientôt. Merci beaucoup. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.